vento, com a temperatura máxima a chegar aos 16 graus. Londres, um dia cinzento, mas com previsão ainda a acrescentar de chuva, principalmente no período da noite de quinta-feira. 14 graus de máxima esperada. Sai esta sexta-feira, dia 17, um novo disco RDP Internacional, duetos reunidos num disco que me trazem de volta Carlos do Carmo, uma compilação com vozes de vários géneros e uma das maiores vozes do fado. Carlos do Carmo, apresentamos aqui agora deste disco duetos, Mistérios do Fado, com Ala dos Namorados, uma canção que vai ser comentada por Manuel Paulo. Exclusivo RDP Internacional. Realmente este dueto com o Carlos do Carmo, desta canção dos Mistérios do Fado, foi assim uma experiência que não se esquece. Entre a gravação e os ensaios, teve qualquer coisa de masterclass de interpretação. Até porque o Carlos do Carmo é um intérprete extraordinário, dos maiores da música portuguesa em particular. Rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bande à la planète, à la familia, en espérant que vous avez passé une agréable nuit. C'est Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h pour vous souhaiter une très très bonne journée. Allez, courage à vous, le week-end approche et puis le soleil devrait s'installer un petit peu, puis la chaleur un petit peu, avec des températures plutôt pas mal ce matin. Un peu fraîche, mais on va frôler quand même les 17, voire 19 degrés sur Orléans, Pithiviers, encore Saint-Jean-de-Bray. Bon réveil et belle journée avec Lucenzo qui arrive. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Cuando lo mueve y es como un...

corps et encore. Tant que mon corps supportera ton absence, je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai. Bon réveil sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite un très bonne matinée. Bon petit déj pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a Amanda qui est là. Salut Amanda, belle journée à toi avec du soleil. Aujourd'hui on vous l'a dit, jusqu'à 19 degrés, ça va pas être mal quand même. Hein. Un ciel couvert en début de matinée, mais normalement le soleil devrait faire son apparition tout au long de la journée. Ça va faire du bien, bander à la planète. Et puis la météo qui arrive dans moins de 3 minutes. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Rápido que ganas de ir de fiesta. Importas tú no la ropa que llevas puesta. Ayer el cielo estaba gris y llorando, y ahora que el sol es maestro estamos bailando. Quiero una música que me recuerda al África, que todo el mundo de repente cambie página. Enamorarse con la luna en los mares, volar sin señales y sin importarme cuando mis alas se van fregando. Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo. Volaré por ti de mí. Trabajo al menos por un poco. La vida cuesta menos si nos vamos a Bangkok, donde la metrópoli encuentra el trópico. Y entre la gente parecemos casi microscópicos. Sale más fuerte así que el corazón me late. Quiero un volumen que me mate. No voy a parar, voy a seguir toda la noche. Esta vida es sin derroches. Y sin importarme cuando mis alas se van pegando. Al fin que te voy a encontrar, que se corta la distancia entre tú y yo, que podremos juntos estar al fin los dos, y sin importarme cuándo. Turnover avec Baby K, Roman Bangkok. La météo. La météo pour ce jeudi et le week-end qui approche à grands pas. Le ciel est nuageux avec du soleil aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, et des températures plutôt pas mal. 5 degrés au lever du jour. Bon, ça caille encore un petit peu, mais tout au long de la journée, ça va être l'une des journées la plus chaude de cette semaine. On va frôler 18 voire 19 degrés. Donc prenez bien soin du soleil aujourd'hui, parce que demain la pluie est de retour. Donc aujourd'hui des nuages et du soleil. Voilà des bonnes nouvelles. Soraya Ramos qui arrive, et puis 24 Magic, vous adorez, Bruno Mars sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil sur le 96.2 FM. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. Uh-oh. I cannot preach. Uh-oh. I gotta show them how I feel.

Amor, amor, amor. Christophe Maleiro sur Radio Arc-en-Ciel, 7h28. Le week-end qui approche aujourd'hui, une journée magnifique quasiment, avec des nuages, du soleil, mais les températures plutôt pas mal. 18, voire 19 degrés. Ça, vous allez adorer, j'en suis sûr. Soraya Ramos, Kalema, on nosso amor. Fazemos as pazes. Amor, beijo daqui. Amor, beijo dali. Abraço bem apertado. Ninguém mais quer sair. Eu quero ir até lá. Onde só do mar não vai. Andar esse momento num pequeno quarto. Pode ser difícil, mas não vamos aguentar. Du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Oh,

9h, quel bon souvenir, Vanessa Paradis. Je le disais, à l'époque, elle avait écrit ce titre pour son mec, Florent Pagny. Florent Pagny, qu'on lui souhaite plein de belles choses, parce qu'il traverse une période assez compliquée en ce moment. Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h. 7h, 9h, c'est Francky. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. On est là, et puis il sera au téléphone avec nous tout à l'heure, le grand chef d'orchestre international, Clément Joubert, Tosca, par la Fabrique Opéra, Val-de-Loire. C'est vendredi, samedi et dimanche au Zénith d'Orléans, le plus bel opéra de la planète, Tosca. Et il va nous en parler, le chef d'orchestre, rien que mieux pour nous dire tout ça au téléphone tout à l'heure, en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Ça sera aux alentours de 9h moins le quart, on l'aura en direct. Le chef d'orchestre, je peux vous dire qu'il est il est demandé par tout le monde, et on a réussi à l'avoir. Ça va me faire plaisir d'avoir Clément Joubert au téléphone. Il était venu à la radio il y a l'année dernière justement, et bien là on l'aura au téléphone, parce qu'il est quand même pas mal pris dans les répétitions, etc., etc. Donc on a décidé de faire un petit interview rapide par téléphone. Ça sera, ne ratez pas, à 9h moins le quart, ce bel interview de Clément Joubert, Tosca, par la Fabrique Opéra Val-de-Loire. C'est vendredi, samedi au Zénith d'Orléans. Donamar qui arrive. Dale, don, dale. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las yale. Pa' activar los anormales. Y al que se resbale, bote el dale, dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yale. Pa' activar los anormales. Y al que se resbale, bote el dale. Esquina pa' pillarme una esquina con morrón. Que fina, ven asesina. Se peina y se guía. Se viste y se maquilla. Tranquila, chiquilla. Te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía. El don te desafía. Seguro en mi vía. Cuidado si te tira. Y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla. Y si el bote te lo pilla, no le va a dar ni coquilla. Dale, dale, don, dale. Pa' que se mueva. Suelta como gavete. Me dice mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Ya andan cazando el hotel y los mozalbete. Que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fila charlatán de parte fuerte. Que se aliten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale Omar que estoy suelta como yo gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo. Quiere buscar rebuleo del pueblo. Quiere mi que no le gusta el blimblineo. Perreo. Por ahí anda su novio en un fantasmeo. ¿Verdad? Que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. Ya que se la han bajurado, me lo llevo. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las yale. Pa' activar los anormales. Y al que se resbale, bote el dale. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las yale. Pa' activar los anormales. Don Omar, déjà 30 ans de carrière, ça passe à une vitesse quand même, avec Dalé, Don Dalé. Amanda qui souhaite un bon anniversaire à son fils qui a 10 ans aujourd'hui. Happy birthday le petit Jules, happy birthday to you, et vous l'adorez toujours autant. Ray Bandela sera la Francielle. Belle journée, bon réveil, bon petit déj. Coucou à Joy aussi qui est connecté. Salut Francky, belle journée à toi, direction le taf pour 8h. Et le son de Ray Bandela. Falamos a sós, vejo um brilho em teu olhar. O mundo era mais que perfeito, explicar. brigamos por coisas banais. Não encontro a razão para este sofrer. Vem tirar-me da solidão. Sei que ainda me olhas com amor. Não negas, está escrito em teu olhar. Não me mintas ao coração. Só aqui é o teu lugar. Sei que ainda me olhas com amor. Sem mim tu jamais serás feliz. Não me mintas ao coração. Sei que ainda vivo em ti. Opa, agora traz os meus sonhos. Que me faz viver. Sei que pensas em mim. Eu jamais te esqueci. Serei teu até ao fim. Nosso mundo é mais que perfeito. Mas brigamos por coisas banais. Não encontro a razão para este sofrer. Vem tirar-me da solidão. Sei que ainda me soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sitio se quede contigo. Bah oui, je vous imagine là sur une plage à Puerto Rico avec un petit cocktail sans alcool, ça ferait du bien. Et aujourd'hui le soleil va être là, ça va faire du bien aussi au moral, jusqu'à 18 voire 19 degrés sur Orléans, Pithiviers, Fayolloges et Saint-Jean-de-Bray. Coucou à Pascal qui nous écoute sur le 96 FM Orléans. Salut Pascal, belle journée. Allez voir la page de Sarah H, je peux vous dire, elle déchire. Elle fait plein de reprises en français. Voici celle de Roxette, Listen to Your Heart. Sarah H, Radio Arc-en-Ciel, bon réveil et belle journée. Écoute ton cœur quand il te parle tout bas. Écoute ton cœur et as-tu encore le choix? Je ne sais pas où tu vas ni pourquoi tu pars. Écoute ton cœur. Sentiment de dépendre de tes rêves. Écoute ton cœur quand il te parle tout bas. Écoute ton cœur. As-tu encore le choix? Je ne sais pas où tu vas ni pourquoi tu pars. Écoute ton cœur. French de Roxette, Listen to Your Heart, écoute ton cœur. Elle s'appelle Sarah H. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis une belle soirée à ne pas rater, on a le temps encore, mais c'est le 22 avril, le grand bal de la Radio Arc-en-Ciel. Ça va se passer à l'espace Montition. Une belle, belle soirée avec sur scène George Guerrero. Il arrive justement à Vida et Bella. Il sera sur la scène de Radio Arc-en-Ciel le samedi 22 avril. Et c'est à Montition, George Guerrero, qui arrive tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel à Vida Bella. 7h55, l'horoscope qui arrive à 8h. Et belle journée à vous sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel avec George Guerrero. Bella, bella, bella, la vida è bella, io sogno con Bella, bella, bella. por aí. Contigo poder descobrir o amor, a paixão, final feliz na minha canção. Vem comigo, sem destino. Ergo os teus braços, bate na palma da mão. É bom demais viver a vida. Quero te ouvir a cantar. Sur 9h, Francky dans la radio, merci d'être là. Le matin, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. Il sera sur la scène de Radio Arc-en-Ciel. C'est le 22 avril à l'espace Montition, à ne pas rater. Georges Guerrero, Maria qui nous écoute à Olivet. Salut Maria, belle journée à toi. 81 ans aujourd'hui. Eh bien, happy birthday, Maria qui suit les mystères de l'amour. Bah oui, sur TMC, vous connaissez la série avec Hélène. Bon, ils ont morflé un peu, mais elle est toujours là. En tout cas, c'est la bande originale. Elsa Esnou et le mal de toi sur Radio Arc-en-Ciel. On s'est aimé comme deux enfants qui découvraient l'amour sous les étoiles un beau soir par hasard. On s'est quitté tout simplement parce qu'on pensait qu'on était arrivé au bout de notre histoire. Pourtant j'ai mal de toi, j'ai si mal de toi. Chaque fois que je pense à toi, oh oui, j'ai mal de toi, j'ai trop mal de toi. Je donnerais n'importe quoi pour que tu sois là. Seulement pour moi, toi tu inventais ces confidences qu'on se faisait en jurant que jamais, jamais, jamais on ne se quitterait. Pourtant j'ai mal de toi, j'ai si mal. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Tendresse avec Isabella. Bon réveil, 8h06, si vous allez au boulot, l'horoscope qui arrive. Eh ouais, l'horoscope. L'horoscope, c'est maintenant. Faut juste appuyer sur les bons boutons à la radio. Si vous trompez de bouton, ça peut être la météo, hein. On sait jamais. On démarre avec les béliers ce matin. C'est le désordre total dans votre vie amoureuse. C'est du moins ce que vous ressentez. Les taureaux, accordez à ceux que vous aimez le droit à la différence. Ne soyez pas si conservateur en amour. Les idées reçues ne fonctionnent pas. Les gémeaux, vous serez plus réservés que d'ordinaire dans votre élan affectif aujourd'hui. Les cancers, vous vous sentez entouré et aimé. Ah bah enfin, cette chaleur réconfortable vous fera oublier tous vos problèmes quotidiens quelques temps, et cela pour le plaisir. Ah, ça, ça fait plaisir. Franchement, pour les cancers, c'est le top ce matin. Les lions, je dis pas ça parce que je suis cancer, vous aurez besoin de reprendre confiance en vous et tous les moyens paraissent bons ce matin pour y arriver. Les vierges célibataires, vous avez envie de vivre une grande passion, mais vous ne faites rien pour ça. Alors progressez. Les balances, un vent de folie traverse votre vie affective. N'hésitez pas à donner libre cours à vos fantaisies. Les scorpions, peut-être est-ce la fin d'une relation. Faites preuve d'un minimum de délicatesse. Le pouvoir des mots est parfois plus violent que celui des armes. Les sagittaires, depuis quelques jours, vous traversez une période de doute et vous avez l'impression que votre partenaire ne fait aucun effort. Alors, le partenaire, un petit effort quand même. Les capricornes, si vous êtes célibataire, vous serez d'humeur à papillonner d'un profil à l'autre sur le site des rencontres. Les Verseaux, célibataires, vous éprouverez plus que jamais le besoin d'une liaison durable. Et enfin, les poissons, vous jouirez d'une excellente entente sensuelle avec l'être aimé aujourd'hui. Voilà pour le horoscope. J'espère que tout va bien se passer de votre côté. Imani qui arrive, Don't Be a Sunshine, et puis Jérusalem. On adore cette version de Portugal avec Bertrand Acuña. Bonne journée et bon petit déj à vous si vous arrivez sur le 96.2 FM. On est en direct. Também.

Il y a 5-6 ans déjà, ouais, ça passe, hein. Ça passe à une vitesse, c'est ce que me dit Mathieu sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil sous le soleil aujourd'hui, je vous le dis. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est un petit peu nuageux ce matin. Le soleil devrait faire son apparition tout au long de la journée avec encore quelques petits nuages. Les températures sont fraîches au lieu du jour, 5-6 degrés. Et on va monter crescendo toute la journée, du soleil encore avec des nuages. Mais les températures sont plutôt pas mal, 18 voire 19 degrés sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Fayolloges ou encore Dry. Ça va être une journée soleil-nuage mais avec des températures plutôt agréables. Justement, l'agréable, vous l'adorez, c'est Tony Carrera qui arrive sur Radio Arc-en-Ciel. Accordo

elle me rend fou. Abusadora, que te devora. D'un simple regard, je fais tourner la cabeza. Abusadora, que te devora. C'est une femme totalement venenosa. Fabian et Juan May, Abusadora sur l'arc-en-ciel. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ah puis je suis heureux parce qu'aujourd'hui il y a du soleil qui arrive, on va monter jusqu'à 18 voire 19 degrés. Et puis le dimanche 26, et ben c'est quoi? Ben, c'est l'heure d'été. On va passer à l'heure d'été. Et là c'est une bonne nouvelle, dimanche 26, ça va faire du bien. Je sens que le soleil va rentrer dans vos cœurs et dans vos maisons. Leandro qui arrive sur l'arc-en-ciel et tout. Meu passado apagar e hoje estou aqui. Tão perdido eu andei, feito um louco sem ninguém, mas o destino trouxe-te a mim. De olhar nem feito isso, e a minha dor se acalmou. E até eu me entreguei, e agora eu já sei. Estares aqui. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. De la musique avec cette voix, Barry White, Let the Music Play. Il nous a quitté en 2003 et ça passe à une vitesse, hein, il y a 20 ans que monsieur Barry White nous quittait de ce monde. Let the Music Play. Alors, belle journée, bon réveil, 8h35 minutes en direct ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Et on vous l'a dit, à 8h50, il sera avec nous au téléphone. C'est Clément Joubert, la fabrique Opéra Val-de-Loire. Et oui, le nouveau spectacle, c'est sur 3 jours, là, Tosca, vendredi, samedi et dimanche. On en parlera avec le chef d'orchestre en direct. Ça sera à 8h50 en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Et courage à vous si vous allez au taf avec un plein de douceur. Et petit amour. Je te donne tant d'amour et on s'est perdu dans la brume. Je pourrais mourir ici, mourir pour ces caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après l'averse. Ce n'est que des souvenirs. Oh, mi amore, je voulais qu'on danse. Qu'on danse sur les toits du monde. Je ne sais pas comment tout se passe. Tout ne se voit. Sada, sada, sada, divo. Et plus le temps passe, plus les souris se passent. Mais où es-tu passé? C'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas. Y'a ton fantôme qui me suit dans les hôtels, dans les suites. Tu sais le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui se vide. Je sais que me ouças de novo, que me abraças de novo. Só mais uma vez. Je n'ai que tes souvenirs, que tes bleus sur mes photos. Tu t'envoles comme promesse. Ti Amo sur un arc-en-ciel, 8h41 minutes en direct, et la météo qui arrive aujourd'hui, le ciel est plutôt ensoleillé, ça fait du bien au moral. Bandé à la planète. Hein. La météo. Et la météo pour aujourd'hui, le ciel est ensoleillé, qui est encore un peu nuageux ce matin, grisâtre, mais le soleil devrait faire son apparition tout au long de la journée. Les températures plutôt pas mal ce matin, au lever du jour 5 à 6 degrés, on devrait dépasser les 18, voire 19 degrés sur Orléans, Olivier, Saint-Jean-de-Bray, et ça, ça va faire du bien au moral. Le soleil, 19 degrés, profitez parce que demain et samedi, ça va être de la pluie, même dimanche, hein, donc nuages et pluie, donc profitez de cette belle journée ensoleillée, l'ambiance tropicale qui arrive, ça va faire du bien. Angela aussi, sous les tropiques. Du Radio Arc-en-Ciel, et puis on va se retrouver avec Algemiro à 9h. Bandit à la planète, à la familia. Le son des îles, et ça fait du bien le matin de vous retrouver. Chapuli bondas, oh, c'est bon pour zouker le matin. 8h44 minutes direction le boulot pour vous peut-être. En tout cas, belle journée à Fabien aussi qui est là. Salut mon ami Fabien. Eh, ça fait du bien ça. L'ambiance tropicale décibel, celle qui cartonne en ce moment, c'est elle. Miley Cyrus et Flowers, c'est ça. Vous l'adorez sur Radio Arc-en-Ciel. Voici le nouveau Miley Cyrus, Flowers. Till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't. S'appelle Miley Cyrus, Flowers sur la Arc-en-Ciel. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Il y a le Gémiro qui est là, il y a longtemps que je l'avais pas vu. Salut Gémiro, ça va? Salut Francky, comment tu vas? Bah bien et toi? Ça fait longtemps, hein? Ah ouais, il y a un bail, on s'est pas croisé dans les studios de la radio, là. Bah oui, mais bon. Studio, ça y est, c'est fait. C'est tellement grand dans la radio qu'on a du mal à se croiser. Non, mais ouais. C'est toi, surtout toi, sûrement, t'as du boulot. Et ouais, t'as, un petit peu, ouais. Voilà, ouais. Tu peux pas venir comme ça à 7h du matin tous les jours. Ça me fait plaisir de te voir ce matin. Ouais. Hein. Bah ouais, toujours ouais. Pareil. Toujours, la musique, c'est quoi aujourd'hui? Ah bah un peu de tout, comme ouais. D'habitude. Hein, comme d'hab, et puis voilà... Beaucoup de dédicaces aussi à partir de... Ah, ça y est, les dédicaces aussi. Ah, ça c'est bien, les dédicaces. Bah oui, bah les gens, ils appellent, donc faut y donner... Il faut faire avec. Bah bien sûr, on est là pour eux, hein, tout ça. Bah c'est bien. La santé, ça va? Ça va, impeccable, et toi? Bon, bah moi, ça va aussi, tranquille. Bon, voilà. Hein. Un peu crevé en ce moment, mais ça va, voilà. Voilà. Bon, bah on va se retrouver à 9h. À 9h. Et puis, Clément Joubert qui arrive, tu connais, c'est un chef d'orchestre. Ah, d'accord. C'est le spectacle, c'est ce week-end aux Années d'Orléans. Mm-hmm. Il va nous appeler dans quelques minutes, là. Ok. Allez. À tout de suite, Algemiro. Bonne journée. Oh. bread and butter. Yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat. That's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber timeout final four. So till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do us part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Hi Bibi, I love you, I need you, il y a tout le monde, Ahmed Chouaki et Chabaled, ça vous fait du bien le matin, un peu de soleil comme ça pour vous réveiller sur Orléans 96.2 FM. Notre invité du jour est là et je peux vous dire là, c'est une star qui arrive, Clément Joubert, on l'accueille tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. J'ai envie de dire tic-tac, le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra, Val-de-Loire approche, Tosca. Et pour en parler, qui mieux que le chef d'orchestre, Clément Joubert, je l'accueille au téléphone. Bonjour Clément. Bonjour. Quel plaisir de t'avoir ce matin sur Radio Arc-en-Ciel. Et depuis déjà un an, vous vous préparez à ce beau spectacle Tosca. Plus de 1000 personnes qui travaillent sur cette production locale. C'est énorme, Clément. Oui, c'est 1000 personnes. C'est évidemment les artistes que vous verrez sur scène. Ce sont les techniciens, bien entendu. Mais c'est aussi des bénévoles. Et puis... plus de 600 élèves de lycées professionnels et de centres de formation des apprentis qui ont fait le décor, costumes, maquillage, coiffure, accueil du public, enfin plein de choses dont on a besoin à l'opéra, bien sûr. Et un sacré projet quand même, un travail de dingue, tout ça, hein? Oui, c'est dingue. Ce qui est dingue, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'opéra, une fois qu'on l'a touché du doigt, on le comprend. Et quand on le comprend, on l'accepte. Et quand on l'accepte, alors... Ben, on commence peut-être à aimer l'opéra. Donc l'idée, c'est vraiment d'impliquer le plus possible de gens du territoire, de la région Centre, pour que ces gens-là, ils disent que l'opéra, ça leur appartient. C'est aussi un art pour eux, quoi. C'est ça. Alors ça va être le 17, le 18 et le 19 au Zénith à Orléans. Oui. Tosca, on peut parler un peu de ce spectacle. Tosca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Oui, bien sûr, c'est un drame de Puccini, enfin... D'abord un drame de Victoria Sardou, qui a fait une pièce de théâtre jouée par Sarah Bernard à la fin du 19e siècle. C'est une histoire qui se passe en 1800 à Rome. Et c'est deux amoureux, évidemment. Hein, c'est une histoire d'amour, bien entendu. À l'opéra, il y a forcément une histoire d'amour. Eh oui. Qui se termine mal, pardon, je spoil. Évidemment, bien sûr. Il y a toujours un méchant. Et ce méchant, c'est le chef de la police qui va poursuivre un fugitif que Mario, l'amoureux, a aidé à s'enfuir. Et malheureusement, ce chef de la police va tomber amoureux également de Tosca, comme Mario, et Tosca va pas accepter les avances, évidemment. Et bref, c'est une histoire d'amour. Il y a aussi une histoire politique, il y a une histoire policière, il y a de l'action, et puis surtout Puccini, la musique de Puccini, c'est de la vraie musique de film. Ceux qui aiment bien les films dont on connaît la musique et dont on se souvient de la musique, ils vont forcément aimer Tosca, parce que l'orchestre, il donne une émotion extraordinaire. Ouais, il n'y a pas que l'orchestre, il y a des solistes extraordinaires et époustouflants, des décors somptueux, des costumes extraordinaires, enfin bref, c'est un spectacle... génial. Et pour orchestrer tout ça, Clément Joubert, est-ce que, bon, toi, tu connais ça depuis des années, est-ce que le stress commence à monter? Parce qu'aujourd'hui, ça va être la première répétition générale, ce jeudi. Est-ce que le stress est toujours là, ou alors tu y vas confiant, comme d'habitude? Alors, artistiquement, plus on approche du but, plus on est confiant, parce qu'on a répété énormément. Ça fait un mois que les solistes sont là, le chœur, il travaille depuis septembre, tous les lycéens ont travaillé et ont rendu leur travail à l'heure, donc on a déjà tous les décors, enfin, donc tout est prêt. Là, aujourd'hui, c'est la répétition générale devant 3000 enfants de CM1 jusqu'à la 3e qui sont là, plus des publics d'empêcher. Ouais. Et on sait en fait que notre spectacle, il est prêt. Après, comment va réagir le public? C'est ça qu'on va voir ce soir. Cela dit, on a déjà eu un petit aperçu, parce que mardi, on a fait la pré-générale, dans la répétition qui précède la répétition générale, et il y avait déjà un peu plus de 1000 enfants qui étaient là. Et en fait, il y avait un silence absolu dans la salle. 1000 enfants. Enfants avec un silence, ça c'est rare. Hein. parce que c'est prenant, parce que ce spectacle est hyper émouvant. Et c'était déjà un super moment qu'on a passé avec ces 1000 enfants mardi dernier. Et toi, quand tu arrives sur scène, là, quand tu vois 1000 enfants devant toi, la comparaison par rapport à des adultes, elle est pareille, ou alors tu te dis, bon, ça va être un peu le bordel, peut-être, surtout qu'un chef d'orchestre, il va être concentré quand même sur ce spectacle. Non, c'est pas le bazar, parce que l'énergie qu'ils mettent, les enfants, il est toujours lié à ce qui se passe sur scène. Alors oui, il y a du brouhaha, mais en fait, ce brouhaha, il évolue en fonction de ce qui se passe sur scène. Ça veut bien dire qu'ils sont connectés à ce qui se passe, et en fait, ça nous porte. Pour nous, vraiment, les répétitions pré-générales, générales, c'est les meilleures de toutes les représentations, ouais. parce qu'ils n'ont pas de filtre. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui les choque, dès qu'il y a quelque chose qui leur plaît, ils le disent sans limite. Et alors, pour nous, c'est formidable. Non, la représentation la plus difficile pour nous, c'est vendredi, c'est demain. Ah oui, ça va. La première, quand les adultes sont là, parce qu'on les trouve souvent, en disant, ça leur plaît pas. Alors que si, ça leur plaît, mais ils sont évidemment moins expressifs que ces enfants-là. Non, non, c'est une énergie extraordinaire d'avoir 3000 enfants ce soir au Zénith pour venir voir Tosca. Et ouais, le spectacle Tosca, donc on vous rappelle, le 17, le 18 et le 19, il reste des places, on peut être sur place, prendre des places, ou alors aller sur le lien. Oui. Il reste malheureusement beaucoup trop de places. Alors venez. Voilà. Il restera des places jusqu'à dimanche, sans problème. Disponible sur place, ou alors sur www.lafabriqueopéravaldeloire.com. N'hésitez pas à réserver vos places. Clément Joubert, merci. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la répétition générale. On va te laisser aller travailler. Eh ben, merci. Prendre beaucoup. La baguette. Merci. Ça existe toujours, merci la baguette, ça. Ouais. Il y a toujours la baguette, Clément. Pas forcément. D'accord. Ça dépend des œuvres, des orchestres, des formations. Ça dépend. D'accord. Merci Clément Joubert. Merci beaucoup. Et rendez-vous le 17, 18 et 19 au Zénith d'Orléans pour aller voir le spectacle La Tosca par la Fabrique Opéra Val-de-Loire. Merci beaucoup Clément. Passe une belle journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir Clément. Clapotis, je tente d'allumer ma clope. Voilà nos derniers mots. Toi et moi, c'est la fin. Aïe, bébé, le mal est fait. Il faut changer de tempo. Clap final, allez, bye bye. Le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait me couper plutôt que de se déchirer. Entends le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route cherchée. Tes yeux et réaliser que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là. Refermons le bouquin, nous deux, il était une fois. Envole-toi, allez vas-y. Y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe ici. C'est bien des malédés. Je t'ai donné tout ce que j'avais. S'arrêter sur ce baiser salé. Je me sais bien t'es mal aidé. Pour préserver ma vie à jamais. C'est le route pour se quitter sur ce baiser salé. Violoncelle seule, déboussolée sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Les non-sensés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage. Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Pain, pain, pain. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Pain, pain, pain. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Je me sais bien t'es mal aidé. J'ai cumulé tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Ah, baiser salé. Larissa de Portugal en force. Bandé à la planète. Ça y est, elle arrive à Algemiro. Je vous retrouve demain matin, 7h, 9h. Et puis le son avec du vrai, la pure musique de Portugal là, avec Algemiro. Et belle journée à vous, sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Merci à Clément Joubert, je vous rappelle, au Zénith d'Orléans, le 17, le 18 et le 19, c'est ce week-end, la Fabrique Opéra Val-de-Loire, Tosca, un spectacle à ne pas rater. Les enfants vont adorer, les adultes aussi. Rendez-vous demain, 7h-9h, et Algemiro qui arrive dans 5 minutes. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente, pour votre plaisir.